بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس الواحد بعد المئة 101 لسون. قال المؤلف حفظه الله تعالى في سؤال 800 808 question: من هم الذين رفع عنهم القلم؟ Qui sont ceux sur qui la plume a été levée, c'est-à-dire ceux dont les heures ne sont pas comptées. Les heures ne sont pas comptées. قال عن المجنون حتى يعقل le fou jusqu'à ce qu'il reprenne la raison. النائم حتى يستيقظ celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. وعن الصبي حتى يحتلم et on va dire l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Et le dalil c'est le hadith de Ali رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل. Qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que la plume, c'est-à-dire la plume qui note les actes, les péchés ou les alika, c'est-à-dire ces gens-là sont pardonnés, d'accord, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils sont amenés à faire. Donc l'enfant, plutôt, d'abord, il parle celui qui dort, ce qui se réveille. Celui qui dort, il n'est pas mukallaf au moment où il dort, car il ne peut rien faire, il est endormi. L'enfant, c'est ce qu'il devient pubère. Car l'enfant, c'est connu qu'il est pardonné, mais que ses bonnes actions lui sont comptées. Et le fou, c'est ce qui reprend la raison. Car le fou, au moment où il fait, il n'a plus la raison, il ne sait pas ce qu'il fait. Donc il n'est pas mukallaf, il n'est pas chargé des obligations ou réel valéka. Et là, pour revenir à celui qui dort, par exemple, on dit qu'il est endormi au moment où la salat s'accomplit. À ce moment-là, ce n'est pas compté pour lui d'avoir délaissé la salat. Ou l'enfant également. Celle-ci ne lui est pas obligatoire jusqu'à un certain âge. Et le fou, كذلك. ثم قال في سؤال 89e question. ماذا على من نسي صلاة أو نام عنها؟ Qu'est-ce qu'il a comme celui qui a oublié une salat ou alors qui s'est endormi à l'heure de cette salat? Il dit يصليها حتى ذكرها. إذا ذكرها أو إذا استيقظ. Qu'il l'accomplisse quand il s'en rappelle ou au moment où il se réveille. Car ça arrive parfois, une personne peut être occupée à oublier de faire la salat. Comme ça arrivait dans le hadith précédent par exemple, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était distrait de la salat du Asr à cause des mouchilkins, du combat qu'il faisait, il avait oublié. Donc il a fait à quel moment? Au moment où il s'en est rappelé. Même si son temps est sorti, si tu as oublié, cela t'est pardonné. Un oubli. C'est une chose qui est involontaire. Et celui qui dort, par exemple il dort, il est en plein sommeil profond et la salat s'accomplit, il n'a pas entendu la veine, il n'y a rien du tout, il est en train de dormir. Lui aussi ça lui est pardonné, mais dès qu'il se réveille, il fait sa salat, même si le temps est sorti. Par exemple, il s'est endormi, pour une raison quelconque, malgré lui, ce n'est pas qu'il a fait exprès ou il a été négligent, très fatigué, à l'heure du Fajr, et il se réveille alors que le soleil s'est déjà levé. Il ne se dit pas, ce temps il est fini, je ne fais pas la salat. Non, il l'a fait à ce moment-là, et elle sera comptée comme étant valide pour lui, dans son cas particulier à lui. Mais bien évidemment, ça ne compte pas pour celui qui fait exprès de dormir lors de la salat. Lui, c'est un grand péché qu'il fait. والدليل سي لو حديث دو انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاه او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit celui qui oublie une salat ou qui s'est endormi sa expiation c'est qu'il l'accomplisse au moment où il s'en rappelle, c'est-à-dire quand il se réveille il l'a fait, quand il se rappelle de la salat il l'a fait. Le hadith est muttafaq alayh et ça c'est parmi encore les preuves de ce que les gens doivent comprendre que veut dire la religion elle est facile. Ça c'est parmi les facilités de la religion car l'être humain il est faible. Il y a des choses qui lui arrivent malgré lui et que Allah Azawajal ne le prend pas, ne lui impose pas de péché pour cela. Thumma qala fi su'al 10 bar 810e question. Maya awrat ar-rajul. Maintenant, il dit quelle est la partie intime de l'homme. Là, ça revient à. C'est lié aux conditions de la salat, qu'il faut cacher, comme cela va arriver, les parties intimes lorsqu'on fait la salat. Donc, celle de l'homme, c'est Minesurra il est rogba. Ça vient du nombril jusqu'au genou. D'accord. Et il y a plein de hadiths qui le citent. Et lorsqu'on regroupe tous ces hadiths-là, on arrive à un hadith, on arrive à un résultat qui permet de les prendre comme preuve. Comme dans le hadith de Jalhad, قال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الفخر هو الفخذة عورة. N'as-tu pas su que la cuisse est une partie intime, c'est-à-dire de l'homme. Et dans le hadith de شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين سرة إلى ركبة عورة. Qu'il est dit qu'il y a entre le nombril et les genoux une aura, c'est-à-dire une partie intime à cacher. Après la aura, elle a différentes catégories. D'accord ? Il y a la aura qui est mughallaza, celle qui est très dure, très, et celle qui est khafifa. Par exemple, la cuisse n'est pas toute la cuisse, car le Nabi sallam a déjà fait apparaître sa cuisse. Mais dans la salat, celle-ci doit être cachée. Et dans la salat, cela peut être autorisé. ثم قال في السؤال الحادي عشر بل 800 ما هي عورة المرأة؟ Quelle est justement la partie intime de la femme? Il dit المرأة كلها عورة. La femme est entièrement une عورة, c'est-à-dire elle se couvre complètement dans la salat, hormis son visage et ses mains si elle se trouve hors de la vue d'étrangers. Et le dalil, c'est le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. Il a dit que la femme est une partie intime entièrement à elle toute seule, que lorsqu'elle sort, Shaitan, quand même, l'embellit aux yeux des gens. ثم قال في السؤال الثاني عشر بعد 812e question. هل يجوز الصلاة أو هل تجوز الصلاة في مرابس أو في مرابد الإبل والغنم؟ Est-il permis de faire la salat dans les enclos des chameaux ou des moutons? قال تجوز في مرابد الغنم ولا تجوز في مرابد الإبل. Qu'ils sont permis dans les enclos des moutons, mais pas dans ceux des chameaux. Et ça, également, comme cela va arriver, c'est une preuve que les animaux dont on la chair est comestible, leurs excréments ne sont pas des impuretés, sans qu'on ne pourrait pas faire la salade dans l'enclos des moutons, car il est certain que les moutons dans leur enclos, ils font leurs besoins. Et parmi les conditions de la salade, que le lieu soit purifié des impuretés. Et donc le dalil, c'est le hadith de Jabir ibn Samura, qui est un homme interrogé de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand là, أصلي في مغارب مغارب مراغد مراغد الغنم قال نعم قال أصلي في مراكب أو مبارك الإبل قال لا قال est-ce que je fais la salade dans l'enclos des غنم c'est-à-dire des moutons ce qui est brebis ou chèvre il a dit oui il a dit est-ce que je le fais dans celui des chameaux il dit non نعم ثم قال في السؤال الثالث عشر برسنة 100 813e question. Hal yajuzu as-salat fi maqbara wal hammam? Est-il permis de faire la salat dans les cimetières, dans le hammam? Et cela n'est pas permis. Comme dans le hadith de le hammam, ça peut être employé pour deux choses. Alors, à notre époque, le hammam c'est devenu les lieux où on fait les besoins. Et le lieu où on se nettoie, on va dire la salle de bain et les WC en même temps. Mais à l'époque, le hammam c'était un lieu, quand on le trouve encore aujourd'hui, ce qu'ils appellent en français hammam. D'accord, là où il y a des eaux très chaudes avec de la vapeur pour se nettoyer. Donc, il dit wa dalil wa hadith Abi Sa'id al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, al-ard kulluha masjidun ila al-maqbara wa al-hammam. Il a dit que toute la terre est un masjid, c'est-à-dire un lieu dans lequel on peut faire la salat. Il a dit à part dans les cimetières, dans le hammam. Et également, on peut également y inclure ce qu'on a dit auparavant dans les lieux où vivent les chameaux. Les enclos à chameaux, la salat ne peut être accomplie. Non. Fadal lazi akhadna al-yom. Fanaktafi biyad al-qadr. Walhamdulillah.